faire autre chose. Hein. Ouais, on va faire autre chose. Attends, mais il y a Razoul qui est là, il va chanter, non? Merci, c'était trop cool. Bon, ben voilà, ben bravo. Florian, on t'entend pas. Ben bravo. Ayo drums, how are you? Ayo. Merci, franchement, ça a été court comme jam. Mais merci à toi, c'était rigolo. À bientôt. A duré longtemps, pourtant c'est dommage et pourtant on t'entend pas. C'est dommage qu'on t'entend pas, mais si on t'entend pas, je comprends que tu vois, tu t'en ailles et que tu ne sois plus là. Ah oui, la France est poubelle, là, et nous en sommes les déchets. Nous sommes des pieds nickelés.